Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. On va parler avec Raphaël Harvey-Pinard des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est natif de la région. Raphaël Harvey-Pinard qui a marqué deux buts dans le match numéro 6 qui a permis aux Huskies de Rouyn-Noranda de battre les Moussettes d'Halifax. On lui parle. Salut Raphaël. Salut. Raphaël, d'abord, il y a trois jours de fait depuis le fameux match. J'imagine qu'on commence à retomber un petit peu sur nos pattes. Ouais, exactement. Je pense que on a profité de notre victoire. On était vraiment contents. Puis, à partir d'aujourd'hui, on est retourné sa patinoire. Puis là, on commence à se préparer pour le tournoi de la Coupe Memorial qui va commencer samedi pour nous autres. T'étais-tu là en 2015-2016? T'étais-tu avec l'équipe? Non, j'étais sur la feuille de remplaçant, mais j'ai regardé ça dans mon salon de chez moi. OK, donc t'es pas en mesure de me dire effectivement. Mais j'ai parlé avec Samuel Harvey, puis il disait tout que l'équipe était... L'équipe était comparable un petit peu et plus forte cette année. T'es-tu d'accord avec moi? Plus de profondeur. Oui, c'est ça. Je pense également, comme Samuel, on a tellement de la profondeur, puis ça, c'est à toutes les positions. On a quatre lignes qui sont capables de compter des buts. Tous nos défenseurs qui contribuent sont bons défensivement. Puis, dans les buts, notre deuxième goaler, c'est Zachary Aymon, mais je pense que n'importe où dans la ligue, il aurait pu être numéro un. Donc, je pense que ça fait une grosse différence. Là. OK. Dis-moi, ça fait quoi de jouer pour Mario Pouliot? C'est un gagnant certainement qui amène le respect. Là. Depuis André Tourigny, il y a une tradition là, d'excellents instructeurs. L'année passée, les dernières années, c'était Gilles Bouchard. Là, c'était André Tourigny, c'était Mario Pouliot. Il y a vraiment une tradition d'instructeurs vraiment gagnants là-bas. Là. Oui, exactement. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait le succès des Huskies dans les dernières années. Je pense que Mario Pouliot, c'est un entraîneur vraiment qui est très expérimenté. Il est arrivé ici en ayant gagné avec Bathurst l'année d'avant, donc il savait c'est quoi ça prenait pour aller chercher la Coupe du Président, puis il sait également ce que ça prend pour aller chercher la Coupe Memorial. Puis je pense que c'est tellement un gars intense qui donne à 100% pour le succès de son équipe, puis je pense que ça fait une grosse différence pour nous autres, puis on est tous dans le même bateau avec lui, là. Ok, je faisais l'entrevue avec Samuel avant la grande finale, puis il me disait qu'il n'y avait pas vraiment de... Le fait que les deux équipes étaient assurées de participer à la Coupe Memorial, c'était quand même une source de motivation pour les Huskies. On voulait gagner la Coupe du Président, t'es d'accord? Oui, exactement. Mais pour nous autres, c'est le fait qu'on avait déjà le ticket pour la Coupe Memorial, ça faisait pas une différence dans le fait qu'on voulait quand même gagner la Coupe du Président. Je pense que toute l'année, on travaille pour gagner la Coupe du Président en série. Puis de pouvoir la gagner, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers et qu'on voulait vraiment réaliser. OK. Dis-moi, Raphaël, Rouyn-Noranda, j'imagine que c'est l'euphorie totale. C'est l'été en 2015, il y a toujours eu une bonne équipe. Mais j'imagine que là-bas, c'est la folie. Ah ouais, je pense que tu as mentionné l'euphorie, c'est le cas de le dire. Je pense qu'on est arrivé à l'aéroport avec la coupe, il était 11h45 du soir, puis l'accueil, un accueil incroyable. Il y avait au-dessus de 1000 personnes à l'aéroport pour nous accueillir, puis on en a profité avec nos fans. Je pense qu'ils ont été là toute l'année pour nous autres. C'est des fans qui sont incroyables. Le hockey à Rouyn-Noranda, ça prend tellement une place importante, puis on était contents de pouvoir la gagner pour eux autres, là. Comment vous vous préparez pour la Coupe Memorial? C'est Prince Albert qui sera dans l'Ouest, c'est Guelph qui sera en Ontario, vous allez jouer avec Halifax également. On dit que c'est le tournoi le plus difficile à gagner. Donc, c'est quoi la préparation du côté des Huskies? Ben, je pense vraiment c'est de revenir, comme on dit en anglais, « reset ». Je pense que c'est d'oublier un peu ce qui s'est passé dans le passé, puis de se concentrer sur le moment présent. Je pense que c'est également le il va falloir y aller un match à la fois. Le début du tournoi à la Coupe Memorial, c'est toujours important. Je pense que ça prend juste une victoire pour t'assurer de jouer au moins pour le bruit d'égalité. Donc je pense que tous les matchs vont être importants. Puis c'est un tournoi qui est tellement rapide qu'il va falloir donner notre 100% à toutes les présences à patinoire puis arriver près de la boule. Parce que c'est un run robin, là. Une défaite, ça peut faire très mal déjà, là. Oui, exactement. Une défaite, ça peut faire très mal. Puis une victoire, ça peut t'assurer beaucoup. C'est pour ça qu'il faut que tu sois prêt à chaque partie. Puis que il faut que tu prennes personne à la légère. Je pense que tu arrives là-bas, puis c'est toutes les meilleures équipes au Canada. Mm. Donc, il faut que tu sois prêt à performer contre toutes ces équipes-là. OK. Raphaël, écoute, c'est sûr que tu vis dans le moment présent. C'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais il faut que je t'en parle pareil, évidemment. Il y a beaucoup de rumeurs qui t'envoient avec les Saguenay de Chicoutimi après la Coupe Memorial. C'est que ça ferait l'effet de jouer pour les Sags? C'est un peu loin, puis je sais pas, en fait, j'ai aucune confirmation, j'entends les rumeurs comme tout le monde, mais tu viens de le dire, j'essaie de vivre dans le moment présent, mais c'est sûr que jouer pour l'équipe de mon enfance, l'équipe de ma région, ce serait quelque chose, ce serait un honneur pour moi, puis c'est sûr que je serais super content. OK. Ben Raphaël, on va souhaiter la meilleure des chances à la Coupe Memorial, on va suivre ça de très très près, puis bravo à toi, puis bravo à Samuel Harvey, les deux gars de la région. Merci beaucoup. Voilà, Raphaël Harvey-Pinard, des Huskies de Rouyn-Noranda.